je suis trop taille. J'suis dans le fond d'une balle, j'ai mon colis sur la taille. J'ajoute c'est la crise, et vite devant fait la malle. J'attends que le juge, c'est qui libère ma drague. Ma mort, et puis bon, j'suis trop taille. J'suis dans le fond d'une balle, j'ai mon colis sur la taille. J'ajoute c'est la crise, et vite devant fait la malle. J'attends que le juge, c'est qui libère ma drague. Bébé, moi j'suis taille. Quand je rentre à toi, tu me masses. Va faire du shopping sur la commode de ma liasse. Prends la clé de la coffre, s'te plume, fais pas de trace. Charron, c'est charron, toujours avec classe. Toi-même t'as capté, dans le bail, on est certifié. Elle peut pas me quitter, t'as c'est que je passe. Pour poser dans un bar à top. Foncer jusqu'à demain matin. Toujours confiance en mon karaté. On t'a rafa ta mère, mais on t'a raté. Madame, faute, madame, raté. Disons, je suis trop taille. J'suis dans le fond du bail, j'ai mon colis sur la taille. J'ajoute, c'est la crise, et puis t'as bon fait la malle. J'attends que le juge, c'est que t'es libère ma drague. Disons, je suis trop taille. J'suis dans le fond du bail, j'ai mon colis sur la taille. J'ajoute, c'est la crise, et puis t'as bon fait la malle. J'attends que le juge, c'est que t'es libère ma drague. Sale fils de toi, viens faire les menottes. Faut faire doucement, faut pas me gêner. Chaque jour la même, et c'est rebelote. Minuit, c'est temps de marcher fermé. Gardin, des pompes, le rien fermé. C'est l'idée pour sortir en perme. Hôtel de nuit, cracher du sperme. Gamme aux unis, conduire sans permis. Donc, t'as capté les balles. Ils ont bombardé, quand on nous on fait la malle. Tu sais d'où l'on vient, dans nos rues, ça sent le sale. Au bord de la jungle, on finira comme des braves. Quand je pense en cul, je prends mon pied. Va dire à François qu'on revient d'Hollande. C'est comment en gros, c'est commando. Va dire aux autres, c'est nous qu'on commande. Disons, je suis trop taille. Je suis dans le fond du bail, j'ai mon coup.